Le temps passe. L'eau va nous manquer. L'eau va nous manquer. Pas ici, surtout là-bas. Le bouquin de l'UNESCO, Migration, enfin je vais le dire en anglais, puisque c'est en anglais, Migration and Climate Change, donc c'est édité par Étienne Piguet, Antoine Pecot et Paul de Guchtener, nous indique que la migration et l'eau sur Terre sont liées. Construire, dessiner, désigner, écrire, dialoguer et schématiser permettent de voir ensemble où on va. D'ailleurs, en Belgique, un jour à la frontière, un homme nous indique le chemin pour retourner avec notre camion à Paris et dit « Quand on ne sait pas, on ne va pas ». Il avait raison, nous savons que nous avons besoin de connaître notre chemin, nos limites en consommation d'eau. Consommer, recycler, c'est humain. C'est éphémère aussi. Notre image se reflète sur le sol, prend forme et cela se nomme ombre. Sortir de l'ombre, tracer, jouer, projeter, ce sont des verbes. La grammaire de ce moment, ici, maintenant, est simple. L'eau se trouve ici, la lumière aussi, et donc aussi l'ombre portée ou projetée. Cela nous permet de tracer des petits territoires pour les partager pendant quelques minutes. Accepter de se poser, prendre une pause et de se marrer. Le barnum, le socle, le piédestal, la représentation, le spectacle est ici. Je vous raconterai ce que j'ai dessiné quand un lampadaire s'est plié il y a près d'un an, ici même. En fait, c'était un lampadaire là-bas que j'étais en train de dessiner. Bref, l'enveloppe pour un artiste est ce barnum, cette tente, cette peau sensible, ce refuge, cette place avec ce beau nom. Voilà. Alors, en fait, ces actions de peinture directe par terre, pour moi, c'est la sixième fois que je fais ça à Paris. Bon, je ne vais pas vous lire tout mon topo, hein, donc j'appelais ça Atelier Dire et Agir, peinture à l'eau, in situ, dans les rues de Paris. On en parlera tout à l'heure. Donc du coup, là, comme hier, tu vas commencer à peindre et en fait, tout le monde est invité à participer, en fait, à t'aider. Donc, Oui. Mais je n'ai que six pinceaux. Voilà, mais je pense qu'on va commencer avec le lampadaire. Ouais. Hein, voilà. Ok. Alors, on voit que ça fonctionne très bien. On a le temps avant que ça sèche. Des fois, on repasse un petit peu sur les lignes. Il y a quelqu'un qui a démarré un vaseau, tant mieux. Je pense que la place de la République est assez grande, donc je vous incite à venir, à participer. Et puis, on peut aussi, comme d'ailleurs le sculpteur a dû le faire avant de poser cette statue, hein, cette sculpture, on peut faire un autre jeu, c'est de dessiner des piédestals. Comme ça, vous pouvez vous mettre dessus. Ou si vous préférez un socle, ben, vous faites le contour des socles et puis ça permet d'être pendant un petit moment en hauteur. Merci. Oui, donc là, comme vous l'avez vu, on a commencé du coup à dessiner avec de l'eau par terre, à peindre plutôt. Donc pour ceux qui ont participé ou ceux qui ont regardé un petit peu ce qui s'est passé, on va faire juste un petit retour, un petit débat pour savoir ce que vous en avez pensé et peut-être de quelle façon, quoi faire un peu de cette expérience. Et donc si tu veux lancer un petit peu déjà, peut-être dans quel cadre toi tu l'as déjà utilisé, enfin, et d'où tout ça t'es venu, parce que c'est assez intriguant en fait. Bon, toute proportion gardée, je pense que c'est le plaisir de dessiner et de tracer. Mais c'est vrai que de façon plus construite, je pense qu'il y a un lien avec le langage. Parce que ça donne envie de réagir. même bêtement, hein. Enfin, c'est pas quelque chose de très élaboré non plus, mais ça fait réagir. Donc, en fait, mes objectifs étaient l'apprentissage et l'enrichissement de la langue française à travers la description, le dialogue et le geste créatif lors d'un parcours découverte des rues de Paris, ponctué d'anecdotes sur son histoire liée à l'eau. Donc ici, l'histoire de l'eau, à part la fontaine et les points d'eau, là où j'étais chercher l'eau, bon, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire. On a de la chance qu'il ne pleut pas. Sachez quand même qu'il y a deux types d'eau à Paris, hein, l'eau potable et l'eau, l'eau de pluie et l'eau des fontaines. Ce n'est pas la même qualité d'eau. Hein, voilà. Alors, je tourne ma page parce que j'ai besoin d'un point fixe aussi. En fait, le déroulement, il peut durer longtemps ou pas longtemps, mais il ouvre le dialogue. Donc, moi, en tout cas, je décris et dessine avec l'eau. Je raconte ce que je regarde. Et donc, en fait, je vois un environnement dans lequel je me situe. Et la démarche de l'atelier dessin in situ avec de l'eau vise à ce que le participant adopte un regard personnel sur l'environnement proposé, à savoir les rues de Paris. Donc évidemment, au bord de la Seine, ça ne va pas être le même rapport. Le point de vue se décale, se modifie, évolue selon l'orientation du regard. Il est propre à chaque individu, relatif à sa sensibilité. Donc les participants sont invités à dessiner au pinceau avec de l'eau sur les trottoirs ce qu'ils voient, les ombres, les architectures environnantes. Alors l'artiste, la personne qui démarre, incite les participants à commencer leur démarche, enrichit leur vocabulaire, aide aux commentaires de ce qui est vu, perçu et réalisé. Ces commentaires peuvent se faire dans d'autres langues, hein, que le français. Il se trouve que je parle plusieurs langues, mais ça c'est pas très important. Alors en fait, ça facilite la communication et l'intégration au projet, parce qu'on peut continuer, on peut prendre des photos, revenir le lendemain. La trace éphémère laissée par le pinceau mouillé évolue, se transforme, se déforme en fonction du point de vue. Le regard souvent étonné des passants participe à cette action artistique et de communication avec le milieu dans lequel il est pratiqué. Donc j'espère qu'à travers ces quelques mots, je puisse m'exprimer, c'est-à-dire c'est quelque chose de très simple. Oui, donc là il y a déjà quelqu'un qui souhaite prendre la parole, donc n'hésitez pas justement à dire un petit peu quelle a été votre expérience par rapport à ça, si vous avez des questions aussi. Bien, en fait, en même temps que j'étais en train d'installer des affiches, il y avait ces traces d'eau qui étaient en train de partager l'espace avec moi. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose évidemment d'éphémère. Et donc, que l'eau soit éphémère, il y a quelque chose qui est dit en ça, quoi. Et que la trace de l'eau soit éphémère aussi. Et, il y avait du coup aussi le soin à mettre pour que l'eau soit moins éphémère. C'est-à-dire qu'évidemment, faut pas marcher dessus, parce que du coup, on retire à l'eau sa possibilité d'être une trace, et on réduit encore plus sa durée de vie. Donc, il faut respecter la place de l'eau dans l'espace. Et donc, je trouvais que c'était tout ça donne l'occasion de faire plein de comparaisons et d'images. Et j'ai trouvé que c'était c'est une très très belle action poétique, bien sûr, mais qui a un peu plus de sens que simplement de la poésie. Voilà, merci. Moi, je vais revenir sur ce qui vient de dire Mehdi. Ce qui est vrai, c'est éphémère, l'eau, parce qu'en fait, suite à un témoignage que j'ai vu à haute pression, on peut quand même faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est beaucoup les sociétés en fait qui s'occupent de tout ce qui est, entre guillemets, taxe sur le sol, mais en fait, pas la peinture, mais avec un compresseur, et tout simplement avec la pression, ça fait tellement de ça s'imprègne pendant une période à peu près de 2-3 mois, et après au fur et à mesure ça s'efface, et du moins ça noircit pour s'effacer petit à petit, et ça quand on peut voir que oui, c'est vrai que l'eau est éphémère, même avec la pluie, on voit quand il pleut, tout simplement, ça s'arrête. Une fois que ça s'arrête et que le sol est mouillé, tout le monde marche dessus et puis ça sèche au fur et à mesure. Et puis voilà, et c'est, je pense que c'est le premier truc de la nature qui est apparu à l'époque, surtout. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Enfin, moi, je voulais un petit peu dire aussi ce que j'ai trouvé assez étonnant. Bah, déjà, c'est dans le fait de reproduire les choses, on se rend compte qu'on regarde la même chose et on la reproduit, mais on la dessine pas du tout de la même façon. Au niveau des proportions, etc., parce qu'on était deux, avec Sylvain, à faire ça, et d'un côté et de l'autre, on faisait pas du tout la même chose en même temps. Donc, c'était assez rigolo. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est de le mettre justement autour de ses pieds et de s'imaginer, du coup, dans une certaine prise avec le sol, par la forme qui est faite par l'eau. Donc il y avait les pieds attachés à des boulets par exemple, et puis aussi le fait de sauter dans quelque chose qui devrait être un trampoline, et tout de suite en fait ça donne une sorte de consistance au décor. Enfin, moi j'avais l'impression, bon, peut-être pas de sauter sur un trampoline, hein, faut pas exagérer, mais quand même plus que de sauter juste sur le sol. Donc je trouve ça intéressant de quelle façon en fait juste, en effet avec de l'eau et un sol comme ici, en plus c'est pratique parce que à la fois ça sèche vite mais en même temps on voit bien. De quelle façon on peut se créer comme ça un environnement, et je me dis, là on pourrait faire tout un tableau avec des animaux qui avancent, qui se promènent, et avoir l'impression d'être dedans en fait. Et voilà, je... Oui. Vous voulez peut-être répondre, non ? Enfin, c'était simple, c'était juste. C'est vrai que c'est le genre de démarche artistique où au début j'ai du mal à vraiment avoir le but et tout ça. Mais pour le coup, c'est assez rare. Et en fait, le fait que ça soit avec de l'eau, déjà, c'est très simple. Ça fait pas peur, en fait. Donc, ça donne envie de le faire beaucoup plus facilement. Parce qu'en plus, on sait que ça va partir, en fait. Donc, déjà, on a moins peur. De toute façon, ça va partir. Donc, si on se trompe, c'est moins grave. Enfin, je sais pas, il y a un côté comme ça. Et en fait, ouais, effectivement, tout de suite, ça donne envie. Enfin, moi, j'ai vraiment eu envie, là, d'aller faire un grand cercle là-bas, ou enfin, quelque chose comme ça. Parce que, sûrement le côté que c'est éphémère, ou je sais pas. Mais. Enfin, juste que j'appréciais que du coup ça simplifie la participation, quoi. Oui, ce qui est intéressant en soi, pas que pour les artistes, c'est que bien sûr, une fois qu'on comprend l'architecture finalement, enfin les proportions et l'échelle, on peut faire des anamorphoses, et ça c'est intéressant. Hein, parce que ici la place n'est pas finalement si plate que ça. Hein, donc si on fait un dessin en grand, tout dépend de son point de vue, puisque quand je baisse, ma ligne d'horizon baisse aussi. Donc c'est à la fois structuré et éphémère. Alors, c'était juste pour dire, moi je trouvais ça super, ce qu'on a fait là avec l'eau, et moi ça me rappelait les moments de liberté qu'on peut vivre en ville quand il neige. Et qu'on peut se mettre, parce que c'est aussi de l'eau la neige, et qu'on peut commencer à écrire, à faire des dessins un petit peu partout, sur le sol, sur les voitures. J'aime beaucoup cette idée d'utiliser l'eau pour se réapproprier l'espace public. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir par rapport à l'atelier ou par rapport à ce qui a été dit ? Tu souhaites réagir sur l'eau ? Tu vas pas parler du théâtre, hein ? Sur ça, hein ? Moi, j'aime beaucoup l'eau parce que je suis né dedans, sur la Dordogne, avant qu'on la casse. Moi, je prépare la journée du 9, du 3 décembre. Donc, moi, je voudrais inviter madame au 3. Adèle est un peu courant, mais moi je ferai un peu un topo parce que je veux pas sortir du sujet maintenant. Je vais me faire engueuler par l'administration d'Éduc Pop, ils sont très sévères. Ils sont encore Mao, je sais pas d'où ils sortent, j'en sais rien, je les connais pas. Mais donc je vous en parlerai tout à l'heure en privé si vous êtes d'accord. Alors oui, effectivement, moi j'avais pas compris au départ qu'on devait peindre avec de l'eau. Je m'en suis rendu compte par moi-même. Un peu comme Seb, au départ, j'étais un petit peu, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais en fait, c'est rigolo parce que effectivement, on s'y prête vite au jeu. Et en fait, ouais, en l'espace de quelques minutes, en fait, on a l'impression de redevenir un peu gamin. Et en fait, tout ce qui se passe autour, on l'oublie. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'on avait des espèces de rap pourri en fond sonore et une manif à côté. Et nous, on faisait ça au milieu. Et ce truc improbable et qu'on retrouvera jamais, hein, cette addition de rap pourri, de manif et de pain de sous l'eau, à mon avis. Et ben, on a réussi à le faire et je trouve ça très amusant. Et c'est peut-être l'un des trucs les plus sympathiques que j'ai fait depuis que je suis sur cette place. Donc merci beaucoup. Voilà. Moi pour l'atelier en fait, au début j'étais pas chaud parce que je sais pas dessiner. Mais en fait ce qui est bien c'est que on a. Au début je pensais qu'il fallait juste faire les ombres, mais en fait j'ai remarqué qu'on était assez libre sur l'expression. C'est vachement intéressant parce que je vois on a pu s'amuser en fait entre nous à faire des. En fait on a pu s'amuser entre nous, c'est vrai que ça. Ça éveille aussi notre enfance et tout ça et je pense que ça ramène à notre enfance, etc. En fait c'est un truc très intéressant et très intéressant. Voilà. Mais je vous remercie d'avoir participé ces deux bons moments sur cette belle place, quand même.